Kontext 21. Die nächste Stunde gehört Leo Ferré. Das erste Lied, Tapeyé, du hast gezahlt. Für alles hast du gezahlt. Für das Recht, Dreck zu atmen und dich verblöden zu lassen. Du hast gezahlt vielleicht, weil du Geld hast. Und wenn du zur Wahl gehst, dann vielleicht, weil du die Wahl hast. Certains de mes détracteurs m'ayant accusé de vulgarité, j'ai écrit à leur intention une chanson que j'ai appelée chanson vulgaire. Pour avoir droit à faire ton rond, à te les rouler dans ta maison, t'as payé. Pour avoir droit à respirer l'air pur qu'empeste tout ton quartier, t'as payé. Pour avoir droit à faire pousser les mômes que t'aurais bien fait passer, t'as payé. Pour avoir droit à faire l'amour avec un sac et rien autour, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Alors ne te plains pas. Pour savoir que le carnaval, ça se passe pas à Carnavéral, t'as payé. Pour savoir que la môme Vénus, ça peut se trouver dans l'autobus, t'as payé. Pour savoir que la margarine, ça tourne plus vite que Gagarine, t'as payé. Pour savoir que telle ou telle star sera télévue par telle star, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Pour écouter à la radio dégouliner du Moreno, t'as payé. Pour lire dans un journal français que Margaret a ses anglais, t'as payé. Pour savoir que la Soraya va dire partout que la Plucha, t'as payé. Pour voir à la télé, moi, ça, l'État, c'est toi, l'État, c'est moi. T'as voté, si t'as voté, c'est que t'avais le choix. Alors, démerde-toi. Poesie, Witz und einem liebevollen Hass sang Leo Ferré gegen die Gesellschaft als Missstand. Vom Kassenschlager bis zur Vertonung surrealistischer Gedichte ließ er nichts aus, um die Poesie auf die Straße, die Revolte in die Ohren zu bringen. Paris Canaille, ein Kassenschlager der 50er Jahre. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, tes gigolos, tes déshabillés sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille, et c'est si bon. Des Delacroix, bébert d'envers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames se font une raison à ce fond bigame, et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant, pour la chronique, traction avant, pour la tactique, un petit coup sec, dans le diapason, range tes copecs, allons, sinon t'es bon. Ah la la une, la la deux, file-moi trois, je te verrai mieux, la toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah la la terre, ah la la rien, t'es un gangster, la mie de pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, je prends, au cœur de pierre, un compte courant, des belles manières, un coup de chapeau, à l'occasion, il faut ce qu'il faut, mais c'est si bon. Des sociétés très anonymes, un député que l'on estime,

regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Den Duft des Vergessens, das Lächeln der Tränen, das Gold meiner blutigen Kehle, wenn ich die Liebe beschreie, die Rosen der Hölle, die Traurigkeit der Waffen, die Ahnung der Verurteilten unter dem Pflasterstein an der Höfe, Stalins Universum zugeschüttet mit Gitarren, die Tugend der Huren in einer Sektflöte am Boden, der Traum eines in einer Hacke verankerten Schiffes, den Stern des siebenten Himmels im Untergeschoss, keiner wird dir das jemals zeigen können. Das Reich der Spielsachen im Plastiksack, den stärksten Grund in einem gepanzerten Sarg, den Traum einer im Atlantik verlorenen Blume, Dantons gestichelt geschriebener Terror, die Angst des Pferdes vor der Guillotine, den Pullover dieser Strickerin im Schlachthof, die Farbe deiner Augen auf dem Arsch deiner Nachbarin, die verlorenen Spuren dieser Liebenden auf dem Gehsteig. Keiner wird dir das jemals zeigen können. Meine violetten Augen, 100 Millionen Lichtjahre fern, die Sonne Van Goghs hinter einer Sonnenblume, die Kratzer des Absurden auf deiner Pantherhaut, die stillen Küsse des Gesangs der Nachtigall, den Hintergedanken des Zufalls beim Fallen eines Dachziegels, den Geruch des Waldes in deiner Zeitung, eine Pershing-Rakete im Taubennest, den Traum der Freiheit in einem Siegespokal. Keiner wird dir das jemals zeigen können. Und wenn wir sie samt den Lügen doch einmal abwerfen könnten in den Ebenen des Jenseits, diesen Siegern sagen, sie können sich schleichen, und auch der anonymen und eifersüchtigen und endgültig verlassenen Macht, jetzt wo wir sie kennen, mit ihren Namen, im erhabenen Computer, mit Zahlen. Und dann der Monat Mai, Mai 68, der wiederkommen wird wie ein Reim, ganz gereimt vielfach, weil sie dir dann gezeigt werden können. Weil, wenn du willst, sie dir dann gegeben werden können. De l'oubli, le sourire des larmes, l'or de ma gorge en sang quand je crie à l'amour. Les roses de l'enfer, la tristesse des âmes, le songe des damnés sous le pavé des cours. L'univers de Staline encombré de guitares. La vertu des putains dans une flûte en sol. Le rêve d'un bateau ancré dans une mare. L'étoile du septième ciel à l'entresol. Personne ne pourra jamais te montrer ça. Un sac en plastique, la raison du plus fort dans un cercueil blindé, le rêve d'une fleur perdue dans l'Atlantique, la terreur de Danton écrite en pointillés. La peur de ce cheval devant la guillotine, le pull de cette tricoteuse à l'abattoir, la couleur de tes yeux au cul de ta voisine, les pas perdus de ses amants sur le trottoir. Personne ne pourra jamais te montrer ça. Mes yeux violets à 100 millions d'années-lumière, le soleil de Van Gogh derrière un tournesol, les griffes de l'absurde à ta peau de panthère, les baisers du silence au chant du rossignol, l'intention du hasard dans la tuile qui tombe, l'odeur de la forêt dans ton papier journal, une fusée Pershing dans un nid de colombes, le rêve de la liberté dans un bocal. Personne ne pourra jamais te montrer ça. Et si jamais pourtant on pouvait les larguer dans les plaines de l'au-delà avec la frime, disant à ces vainqueurs qu'ils peuvent s'en aller, et aussi au pouvoir jaloux et anonyme, et bien planqué que maintenant on les connaît avec leur nom dans les ordinateurs sublimes, avec des numéros et puis le mois de mai de 68 qui reviendra. Viendra comme une rime. Comme une rime année. Puisqu'on pourra te les montrer. Puisqu'on pourra, si tu le veux, te les donner. Das Leben ein Traum. Doch wenn es ums Lieben geht, wird der Traum Wahrheit, mehr noch Realität. Die Liebe ist das obskure Glück und das klare Leid, ist Delirium, Blendung, Illusion manchmal, Verletzung immer. Und mit der Zeit, mit der Erinnerung flieht Mensch in den Elfenbeinturm. Doch ist die Liebe der erste Schritt zur Einladung zum Reisen in eine bessere Welt, der erste Schritt seine eigene Realität mit jemanden anderen zu leben. Eine Welt bewohnt mit Gesang, Elsa, meine Liebe, meine Jugend. Wir verpassen das Ende der Welt, meine Liebe. Und wenn mit der Zeit doch alles schief geht, dann vergeht alles mit der Zeit. Und es bleibt nur die Erinnerung und das Meer. Elsa von Louis Aragon, danach Avec le temps, mit der Zeit, und La mémoire et la mer, die Erinnerung und das Meer. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim de vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré. Toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence, et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse un monde habité par le chant, Elsa, mon amour, ma jeunesse. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps,

parfum rare des salants, dans le poivre-feu des chersures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé, dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Fille verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles, cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle, es gibt aber auch anderes im Leben zu besingen, das scheinbar weniger revolutionär als Liebe, Freiheit und Poesie ist. Und weil vielleicht unter denen, die jetzt zuhören, auch ein paar sind, die im fortgeschrittenen Alter Klavier spielen lernen, mein Klavier, dein Klavier, sein Klavier. Mon piano, ton piano, son piano. Et le père Czernik, j'avais sur le dos, et la demoiselle, oh, son piano, son piano, son piano, son piano. Et l'aïda de Monsieur Verdi, arrangé par un mal appris de piano, pris de piano, pris de piano. Mon piano, ton piano, son piano. Et Debussy que j'ai dans la peau, après Czerny c'est rigolo, rigolo, rigolo, rigolo. Et le boléro de Monsieur Ravel réduit à la portion de Pleyel, son de Pleyel, son de Pleyel. Notre piano, votre piano, leur piano. Si vous croyez qu'on joue à l'œil, vous vous mettez le doigt dans notre piano, votre piano, leur piano. En 45, Béla Bartok est mort à New York, mort de faim. Piano. Mensch wacht, piano, denkt an alles, an nichts, schreibt Gedichte, Prosa. Mensch muss basteln, wenn er auf den Tag wartet. Und ich, Alexander Schürmann Emanueli, bastel schon wieder an der nächsten Leo Ferré-Stunde. Übrigens, macht niemals Marketing. Blues von Louis Aragon, danach Les Copains de la Neuille, die Kumpel von La Neuille. Und Les Vieux Chagrin, die alten Sorgen. Ganz ohne Inszenierung, direkt von Herzen. On veille, on pense à tout, rien. On écrit des vers, de la prose. On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient. La brume qu'empoint le matin retire aux vitres son haleine. Il en fut ainsi qu'en Verlaine. Ici, doucement, c'est éteint. Plusieurs sont morts, plusieurs vivants. On n'a pas tous les mêmes cartes. Avant l'autre, il faut que je parte. Eux sortis, je restais rêvant. Tout le monde n'est pas Cézanne. L'on pleure et l'on rit comme on peut. Dans cet univers de tisane, jeune homme, qu'est-ce que tu crains? Tu vieilliras, vaille que vaille. Disait l'ombre sur la muraille peinte par un Bruegel forain. On veille, on pense à tout, à rien. On écrit des vers, de la prose. On quelque chose en attendant le jour qui vient. On veille, on pense à tout, à rien. On écrit des vers, de la prose. On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient. Les copains de la neuil, les frangins de la night, ceux qu'ont le portefeuille, plus ou moins on le right, ceux pour qui la mouise, ça fleurit que le jour, qu'on le requin en guise de frissons d'amour. Les copains de cocagne, ceux qu'ont des fafios, et qui font des magnes à la veuve Clicquot, ceux qui comptent les heures sur leurs pattes en velours et qu'ont une demeure pour y planquer le jour. Ah, regarde-le, il est venu, dit. Il attend que je commence la chanson pour se faire remarquer un peu. Hein, il est là. Viens, petit. Viens. Tu le vois, là? Ça va? Il partira avant, hein? Pour se faire remarquer. Parce qu'il s'est dit avec moi qu'il y a un travail de comme ça qui se montre, lui veut se montrer aussi, quoi. Hein? Ça va? Les copains de la farce n'ont même pas de buffet. Pour y foutre une garce ou pour y danser. Ceux qui poussent la lourde des minuit passés et qui n'ont comme gourde que celle du taulier. Les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes quand il y a du client. Ceux qui ont la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Ça va? Les copains de la dure, ceux qui vivent pas cher, mais qui ont de la verdure, même en plein hiver. Ceux qui prennent la lune pour du Beaujolais, mais qu'on le clair de lune en dessous du gosier. Les copains de la bise à l'âme gercée et qui se foutent en prise avec deux gorgées. Ceux qui comptent les heures sur les doigts de la main et qui se font leur beurre avec leur chagrin. Regarde comment il s'en va. Allez, ciao. Ciao, petit. Il s'arrête là-haut, hein, sur une lumière là-haut. Comme ça, hein. Il s'arrête. Hein. Ah, dit-on, lis-vous, hein. Ça vaut les hommes, crois-moi. Hein. Les copains du soir, les frangins de la nuit, ceux qui bossent noir jusqu'au bout de leur vie, ceux qui ont la vie louche comme un beau matin et qui se cousent la bouche en causant des mains. Les copains de la neige, les frangins de la nuit, au matin se défaillent de tous leurs habits. Le petit jour canaille les prend par le cou et puis les empaille comme des hiboux. Je vais vous chanter une chanson sur les paroles de Cosimo, qui s'appelle Les Vieux Chagrins. Mais je vais vous dire auparavant quelque chose, c'est important parce que les gens ne savent pas. Hein. La chanson, c'est marqué là, 3 minutes 45. Celle-là, elle ne passera jamais à la radio ou à la télévision. En tout cas, venant de moi, quoi. Hein. 3 minutes 45, tac, elle ne passe pas. Il faut 3 minutes, pas plus. Parce que si c'était Les Vieux Chagrins ou à l'américaine, alors elle passerait 30 minutes, pareil, hein. Ça, c'est, il faut vraiment gueuler, hein, hein. Vous gueulez pas. Gueulez, si vous voulez, on va gueuler ensemble. Je viendrai dans la rue avec vous chanter. Parce que c'est dégueulasse ce qui se passe. Ils sont tous vendus. Ils sont tous du marketing. Marketing. Marketing. Salope. Les Vieux Chagrins. C'est vrai. Pas de la mise en scène, c'est du cœur. La larme à l'œil, portant le deuil, y a des chagrins qui font le pied de grue devant ma porte. chagrins anciens dont je sais bien qu'ils ont des mains en piège à grue des fois que je sors pour mal paguer, pour me draguer à l'imparfait. Oh, souviens-toi, la détresse te parodiant, pauvre Lélian. Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ma jeunesse, quand le passé s'est bien cassé? Tu peux toujours, ma pauvre frangine, chauffer la colle. Je connais la vie, je n'ai plus envie de refaire un tour au cours de spleen de son école. École du soir, du désespoir, j'y suis passé, je suis bachelier, j'ai mon diplôme. Quant à la mer, sans être amer, j'ai fracassé les vieux voiliers et leurs fantômes. On est copains, puis Saint-Germain, dit l'inconnu qui vient à moi et qui m'embrasse en ajoutant: ça fait 30 ans qu'on ne s'était vu, mais autrefois t'avais de la classe. Des dents de loup, des cheveux fous, quand tu chantais, t'étais le plus beau des libertaires. Mais t'as changé, y a du danger à fréquenter Arthur Rimbaud et Baudelaire. Allez, chagrin, je n'y peux rien, faut transhumer vers les brouillards de solitude, tous en troupeau, seul dans sa peau, faut s'assumer comme le noir sa négritude. Et la pitié en amitié ou en amour, ça n'a jamais sauvé personne, ni cette voix sur cette croix, mon sang velours, tout ce que j'ai, je vous le donne. La larme à l'œil, portant le deuil, les vieux chagrins s'en sont allés. Larme à l'œil, portant le deuil, les vieux chagrins s'en sont allés au vent d'automne. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59 A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://. kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.